Oh, acclamons encore une fois. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. I love you, Holy Spirit. Amen. How many of you love the Holy Spirit? Amen. Tonight, as the word of God comes, alors que la parole de Dieu arrive ce soir, the Holy Spirit is going to move over your situation. Hallelujah. Hallelujah. You need healing, you receive healing. Si tu as besoin de la guérison, tu if you need restoration, you will be restored. Si tu veux la restauration, if you need la peace, God will speak to you. Si tu veux la paix, Dieu hallelujah. Va te hallelujah. And to give us the powerful word of God tonight. Pour nous donner la parole de Dieu ce soir. You have a very special woman in the house. Nous avons une femme spéciale dans la maison. Hallelujah. Hallelujah. She is called and she is anointed. Elle est appelée, elle est ointe. And I want us to stand to our feet, ladies and gentlemen, as you welcome to this stage our head pastor, Lady Reverend Grace Irene. Hallelujah. Shall we pray? Holy Spirit, we love you. Saint-Esprit, nous t'aimons. Holy Spirit, we need you. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, come and have your way. Saint-Esprit, viens et aie libre cours. We bless your holy name, Lord. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Father, we thank you so much for this time in your presence. We pray and ask, O Spirit of God, that you touch each and every one of us here tonight. May your word be relevant in our hearts, O God, and in our lives. May your word indeed transform us into the image of your Son, Jesus Christ. We humble ourselves before your word tonight, O God, and we say we are nothing before you, O God. You are King of kings and Lord of lords. You are majesty. You are holy. And Father, we thank you for this privilege of being called into your presence. Speak to our hearts tonight, O God. We ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. You may be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you, the stars. Les stars, que Dieu vous bénisse. You were... Before you sang, you were talking a lot. I don't know whether you were rehearsing your words or what it is. Avant de chanter, vous parliez beaucoup. Je ne sais pas si vous étiez en train de... Just hear nya nya nya nya nya nya nya nya nya just behind me. We have to walk worthy. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne. Amen. Last week we started talking about walking worthy, didn't we? La semaine dernière, nous avons commencé à parler de comment marcher d'une manière digne. Did we or didn't we? Did we or didn't we? Or you don't remember? Ou vous ne vous souvenez pas? Who was not here last week? Qui n'était pas ici la semaine dernière? So everybody was here minus four people. Donc tout le monde était là, juste moins quatre personnes. Okay, I can see you're all sleeping, so I'll talk to myself today. Leviticus chapter 10. Lévitique chapitre 10. Leviticus chapter 10. Last week when we were speaking, we talked about Paul writing to the church in Ephesus, and he asked that they walk in a manner worthy of their calling. La semaine dernière, quand on parle, on a vu l'apôtre Paul qui parlait à l'église d'Éphèse et il les encourageait à marcher d'une manière digne de leur appel. And we saw four reasons why we must walk worthy. Et nous avons vu quatre raisons pour lesquelles nous devons marcher d'une manière digne. Does anybody remember the four reasons? Est-ce que quelqu'un se souvient des quatre raisons? Reason number one was raison that numéro un, it is a privilege to be called and to be chosen. D'être appelé et d'être choisi. Amen. Amen. We must know that if we are called Christians, it is a privilege. Nous devons savoir que si nous sommes appelés chrétiens, c'est un privilège. And I said that many of us are not able to witness and to be effective witnesses for Christ because we don't walk worthy. Et j'ai dit que plusieurs d'entre nous ne témoignent pas de manière efficace parce qu'ils ne marchent pas d'une manière digne. Hallelujah. Hallelujah. The second reason why we must walk worthy. La deuxième raison pour laquelle nous devons marcher d'une manière digne is that we have a limited season in which to do the work that God has called us to do. C'est que nous avons une saison limitée pendant laquelle nous devons faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Amen. The third reason why we must walk worthy. La troisième raison pour laquelle nous devons marcher d'une manière digne is because of the grace of God. C'est à cause de la grâce de Dieu. People our age have died already. Des gens de notre âge sont déjà morts. People younger than us have died. Des personnes plus jeunes que nous sont mortes. Amen. People Amen. Our age are sick. Les personnes de notre âge sont malades. And in hospital. Et dans les hôpitaux. Hallelujah. Hallelujah. But you are sitting here looking at me. Mais tu es assis ici et tu me regardes. It's by the grace of God. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. And just because of that grace that God has shown you. Et seulement à cause de cette grâce que Dieu manifeste à ton égard. You must walk worthy. Tu dois marcher d'une manière you digne. You owe it to Him to walk worthy. Tu dois cela à Dieu de marcher d'une manière digne. Amen. Amen. Because He has preserved you by His grace. Parce qu'il t'a préservé par sa grâce. He has not preserved you because you are handsome or you are beautiful. Il ne t'a pas préservé parce que tu es beau ou parce que tu es belle. He has not preserved you because you come from a rich family or because you are special. Il ne t'a pas préservé parce que tu viens d'une famille riche ou parce que tu es spécial. You yourself just look at the four categories I've given. Toi-même regarde aux quatre catégories que j'ai données. You know you don't fit into any of these categories. Tu sais que tu ne corresponds à aucune de ces catégories. You are not handsome, you are not beautiful. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas riche. And you are not what? Special. Et tu n'es pas spécial. But you are saved here by the grace of God. Mais tu es sauvé ici par la grâce de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. You owe it to God. Tu dois cela à Dieu. At least. Au moins. To walk in a manner that's worthy. Au moins de marcher d'une manière digne. Amen. Amen. Don't be annoyed. Ne sois pas fâché. If you are beautiful, just smile. Si tu es jolie, souris tout simplement. If you know you are beautiful, then I'm not talking to you. Si tu sais que tu es jolie, donc je ne m'adresse pas à toi. The fourth reason why you must walk worthy. La quatrième raison pour laquelle nous devons marcher d'une manière digne. Is what? C'était quoi? Yeah. It's because it is easier, naturally. It is easier to walk in a manner. Parce que naturellement, c'est plus facile de marcher à la manière des non-croyants. Than to walk as a believer. Que de marcher comme un croyant. So to show that you are different from them, you must walk worthy. Alors pour montrer que tu es différent d'eux, tu dois marcher d'une manière digne. Hallelujah. Hallelujah. Bible says we must not walk. No, we should no longer walk as the Gentiles do. La Bible dit que nous ne devons plus marcher comme le font les païens. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. All right, and we talked about the life of a Gentile or an unbeliever. Et nous avons parlé de la vie d'un païen ou d'un non-croyant. Do you remember? Est-ce que vous vous I en said, souvenez? They follow after useless things. J'ai dit qu'ils poursuivaient les choses vaines. Rodrigue, you don't remember. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? Do you remember? Est-ce que vous vous en souvenez? Or I didn't talk about it. Ou je n'ai pas parlé de ça. So, you don't remember or you remember? If you don't remember, I'll go over it. Si vous ne vous souvenez pas, je vais revenir là-dessus. Or you don't understand what I'm saying. Ou vous ne comprenez pas. Hey, oui. When I look at you, then you look down. What does it mean? Quand je vous regardez à terre. Qu'est-ce que ça signifie? It means they don't know. Ça signifie qu'ils ne savent pas. Okay, Ephesians chapter 4. Éphésiens chapitre 4, verse 17 and 18. Versets 17 à 18. The Bible says, I'm reading from the NASB. So this I say and affirm together with the Lord that you walk no longer just as the Gentiles also walk. Number one, in the futility of their mind. Number two, being darkened in their understanding. Do you remember now? Number three, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them. Do you remember now? Est-ce que vous vous souvenez? And number four, what did I say? Because of the hardness of their hearts. Another sign of a hard heart is that you don't remember anything. Un autre signe de cœur endurci, c'est que tu ne te souviens de rien. Your heart is hard, so your heart is hard. Your heart is hard. Your heart is hard, so nothing can enter it. Ton cœur est dur, alors rien ne peut y entrer. You have preached a message with your own behavior right now. Amen. Vous avez prêché un message avec votre comportement maintenant. What is the point of coming to church? À quoi ça sert de venir à l'église? Taking notes. Prendre des notes. And not remembering anything. Then et don't ne se take souvenir notes. De rien. Alors ne prenez pas de notes. And just look at my face. Et regardez-moi seulement. Because you will not remember what you've written. Or is it that you can't read your own handwriting? Parce que vous ne vous souviendrez pas de ce que vous avez écrit ou vous ne pouvez pas lire votre écriture. Amen. Amen. I think if we come to church on a Wednesday, je crois que si vous venez à l'église un mercredi, it means that we have an extra desire. Ça veut dire qu'on a un désir extra. We are all tired. Nous sommes tous fatigués. But come with an attitude that God is going to speak to me. Mais nous devons venir avec l'attitude de Dieu va me parler. Come with the attitude that I'm going to receive a word. Venez avec l'attitude selon laquelle vous allez recevoir une parole. Amen. Amen. Take notes. Prenez des notes. And when you come to church and I'm asking a question, don't look at my face, look at your notes. Et quand vous venez à l'église, je pose une question, ne regardez pas mon visage, mais regardez vos notes. Oh là là. Leviticus chapter 10. Lévitique chapitre 10. Amen. From verse 1. À partir du verset 1. Raissa, I think it's you and me, eh? We'll just talk to each other today. Okay. Verse 1. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, I'm still reading from the NASB, and after putting fire in them, placed incense on it and offered strange fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, it is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people I will be honored. So Aaron, therefore, kept silent. Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Amen. How to walk worthy. Today we are talking about how. Aujourd'hui nous parlons de comment marcher d'une manière digne. Last week we saw reasons why you must. Today is how. La semaine dernière, nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons marcher d'une manière digne. Aujourd'hui, c'est pourquoi. Amen. Amen. The first thing you must do is not to offer up a strange fire. La première chose à faire, c'est de ne pas offrir un feu étranger. Nadab and Abihu were the sons of Aaron. Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron. Aaron was Moses' brother. Aaron était le frère de Moïse. And he was called to be a priest. Et il avait été appelé à être prêtre. Okay? And his sons with him, his whole lineage, his whole line. Et tous ses fils avec lui. Amen. Amen. If you read chapter 8 and chapter 9, you see that God gives specific instructions. Si vous lisez le chapitre 8 et le chapitre 9, vous verrez que Dieu donne des instructions spécifiques to Aaron and his sons à Aaron et à ses fils about how to come before him as priests. À propos de comment venir devant lui en tant que prêtre. What to offer, how to prepare it, what to do. Ce qu'ils doivent offrir, comment préparer cela et comment le faire. He was very clear and long in his instructions. Il était clair et très long dans ses instructions. Amen. Amen. Take the time to read it. God, when he wants something, he lets you know what he wants. Prenez la peine de lire cela parce que quand Dieu veut quelque chose, il vous laisse comprendre ce qu'il veut. He is not complicated. Il n'est pas compliqué. You know, sometimes you can be in a relationship with somebody. Parfois, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un. And the person expects you to read their mind. Et la personne s'attend à ce que tu puisses lire ses pensées. They will not tell you what they want. Elles ne vous diront pas ce qu'elles veulent. And when you don't do it, they will be annoyed. Et quand vous ne les faites pas, elles sont fâchées. A husband and wife are in the house. Un mari et une femme sont dans la maison. The wife has squeezed her face. La femme a attaché sa figure. She's annoyed. Elle est énervée. And the husband is saying, "What's wrong?" Et le mari demande, qu'est-ce qui ne va Nothing. Pas? Rien. Are you sure? Tu es sûr? Yes. Oui. Have I done something? Est-ce que j'ai fait quelque chose? No. Non. But you can tell there's something wrong. Mais tu peux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 2 weeks later. 2 semaines plus tard. She will say, "Hey." Elle dira, the last time, la dernière fois, when you were asking me if there was something wrong, quand tu me demandais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, you should have known there was something wrong. Tu devais savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. I was not feeling well. Je ne me sentais pas bien. And you didn't wash the plates for me. Et tu n'as même pas lavé les assiettes pour moi. You waited for me to come home from work. Tu as attendu que je revienne à la maison wash the plates. Pour faire la vaisselle. I know you don't love me. Je sais que tu ne m'aimes pas. I mean, what kind of misbehavior is that? Quel est ce genre de comportement? Did you marry a magician or you married a wizard? Est-ce que tu t'es marié avec un magicien ou un sorcier? For him to know what you are thinking. Afin qu'il sache ce à quoi tu penses. Tell him that, "Oh, I'm not feeling well. Help me wash the plates." Dis-lui, "Oh, je me sens pas bien. Aide-moi à faire la vaisselle." That's all. C'est tout. Stop playing silly games. Arrête de jouer à des jeux idiots. But God is not like that. Mais Dieu n'est pas comme ça. He will tell you that this I don't like. Il te dira ça, je n'aime pas. This I like. Ça, j'aime. And I like this way. Et j'aime ceci comme ça. He will not just say, "Oh, me, I like meat." Il ne dira pas, "Oh, moi, j'aime la viande." He will say, "I like meat, but you must offer it in this particular way. Burn it whole. Don't cut it. Don't do this. Don't do that. Just do it this way." Il dira, j'aime la viande, mais je veux qu'elle soit faite de cette manière. Ne coupe pas, fais ça comme ci et fais ça comme ça. Amen. He's Amen. Very specific and very clear. Il est très spécifique et très clair. And he spent time teaching Aaron and Moses and Aaron's sons how to come before him with a sacrifice. Et il a passé du temps à enseigner Aaron et ses fils de la manière à laquelle ils devaient venir devant lui avec des sacrifices. How to prepare the offering. Comment préparer l'offrande. How to keep themselves. Comment se préserver. How to enter the tent. Comment rentrer dans la tente. He taught them very specifically. Il leur enseignait de Amen. Manière spécifique. So if you think about it, it should be very easy to please God. Si vous y pensez, ce sera vraiment facile de faire plaisir à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. But most of the time, we listen but we don't hear. Mais la plupart du temps, nous écoutons et nous n'entendons pas. And therefore, we don't remember when we come back before Him. Et nous ne nous souvenons pas quand nous revenons devant lui. Say amen, somebody. Que quelqu'un dise amen. And the Bible says that Nadab and Abihu, the sons of Aaron. Et la Bible dit que Nadab et Abihu, les fils de Aaron. Let me look at chapter 8, verse 1. Regardons chapitre 8, verset 1. Leviticus 8, verse 1. Lévitique chapitre 8, verset 1. The Bible says that the Lord spoke to Moses saying, "Take Aaron and his sons with him." Amen. Amen. And the garments, the anointing oil, the bowl of the sin, and he went on and on. But he said clearly, "Take Aaron and his sons." L'Éternel a parlé à Moïse, il a dit, "Prends Aaron et ses fils." Amen. Il a parlé de manière claire. Verse 6, you see, Moses had Aaron and his sons. Au verset 10, Moïse a dit à Aaron et ses fils de venir. Verse 13, he says, next Moses had Aaron's sons come. Amen. Le verset suivant Just dit. Just listen to what I'm saying because they are not keeping up. Just okay. Listen to and try and interpret. Moses had Aaron's sons come. Et Moïse a dit au fils d'Aaron de venir. Yes. Amen. Verse Amen. 18. Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. Et Aaron et ses fils ont déposé leurs mains sur yes. la tête du... Verse 27. Aaron and his sons. When you look through, it says Aaron and his sons. Aaron and his sons. Les versets suivants, quand vous lisez, vous dites Aaron et ses fils, Aaron et ses fils. Hallelujah. Amen. So they cannot say they didn't know. Alors ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. My point is that the sons were present when Aaron was receiving his instructions. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les fils d'Aaron étaient présents quand Aaron recevait les instructions. Are you with me? Very clear instructions. Des instructions claires. But the Bible tells us that. In verse 10, mais la Bible nous dit au verset 10, they come and offer a sacrifice. Qu'ils sont venus offrir un sacrifice. But for some reason, mais pour certaines raisons, God struck them down and killed them. Dieu les a frappés, il les a tués. Somebody will say, oh, but God is unreasonable. Quelqu'un pourrait dire, oh, Dieu il est irraisonnable. He has asked them to sacrifice. They brought a sacrifice. Il leur a demandé de faire des sacrifices et ils les ont apportés. So why has he killed them? Alors pourquoi il les a tués? The Bible says in verse 1 of chapter 10. La Bible dit au verset 1 du chapitre 10. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective firepans and after putting fire in them, placed incense on it and offered a strange fire. Au verset 1 du chapitre 10, la Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger. They did not practice what they were taught. Ils n'ont pas pratiqué ce qui leur avait été enseigné. They did not do as they were told. Ils n'ont pas fait comme la manière à laquelle on leur avait dit. They decided that, okay, we know. Ils ont décidé en disant que okay, nous to connaissons. To offer a sacrifice to God, you need your pan, you need fire, you need something. Let's just go. Pour offrir un sacrifice à Dieu, tu as besoin du feu, tu as besoin du parfum, quelque chose. I don't see mention of any animal. I see incense. I don't know what it means. Et là, on n'a pas mentionné des animaux. Je ne sais pas ce que ça signifie. But God, when He was talking about sacrifice, He talked about a ram, He talked about a bull, He talked about doves, He talked about animals. Et Dieu, quand il parlait des sacrifices, il parlait des taureaux, il parlait des colombes, il parlait des animaux. Because the sacrifice was always of blood. Les sacrifices faisaient toujours intervenir du sang. Amen. Amen. But these boys decided that, okay, now we too we are priests. Et ces garçons ont décidé en se disant, ok, nous aussi nous sommes des prêtres. So we can also sacrifice. Alors nous pouvons aussi faire des sacrifices. We can also do something. Nous pouvons aussi faire quelque chose. And they went before God. Et ils sont allés devant Dieu. With their fire. Avec leur feu. And the Bible says God struck them down. Et la Bible dit que Dieu les frappa. How many times we don't go before God with a strange fire? Combien de fois n'allons-nous pas devant Dieu avec un feu étranger? We think we know. Nous pensons que nous connaissons. We think we know the word. Nous pensons que nous connaissons la parole. We know what God wants. Nous pensons que nous connaissons ce que Dieu veut. He wants us to come to church, isn't it? Il veut que nous venions à l'église, so we are going to church. Alors nous allons à l'église. Regardless of the fact that He said, when you come, you must come with clean hands. Indépendamment du fait qu'il a dit que quand vous venez, vous devez venir avec des mains pures. Regardless of the fact that He said, if you have something against your brother, go and make peace. Before you come. Indépendamment du fait qu'il a dit que quand vous avez un problème avec votre frère, allez faire la paix et revenez. But we come. Mais nous venons. Offering a strange fire. Nous offrons un feu étranger. And wondering why God is not moving in our lives. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu n'agit But pas I came dans to nos church. Vies. Je suis venu à l'église. I paid my tithe. J'ai payé la dîme. I gave an offering. J'ai donné l'offrande. Yes. Oui. It's a fire. C'est un feu. But it's strange. Mais c'est étrange. It has nothing to do with what He has asked of us. Et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a demandé. Amen. Amen. We're talking about walking worthy. Nous parlons de marcher d'une manière digne. Hallelujah. Hallelujah. Do not offer up a strange fire. N'offrez pas un feu étranger. Hallelujah. Hallelujah. Because you can easily die. Parce que vous pouvez facilement mourir. Nadab and Abihu, they were not armed robbers. Nadab et Abihu n'étaient pas des voleurs à main armée. They were not murderers or rapists. Ils n'étaient pas des meurtriers ni des violeurs. They were priests. Ils étaient des prêtres. Hallelujah. Hallelujah. And they were not stealing. Et ils n'étaient pas en train de voler. They were offering a sacrifice. Ils offraient un sacrifice. But the Bible says to God. Mais la Bible dit que pour Dieu, it was a strange fire. C'était un feu étrange. Hallelujah. Somebody watching would have said, "Oh, these boys are very spiritual." Quelqu'un qui regardait pouvait dire, "Oh, ces garçons sont très spirituels." Their father is not there, but look, they are offering sacrifices. Leur papa n'est pas là, mais regardez, ils sont en train d'offrir des sacrifices. Oh, what nice boys! Oh, quel bon garçon! Hallelujah! Hallelujah! Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Bible says, "And fire came out from the presence of the Lord." Et la Bible dit que le feu est sorti de la présence de l'Éternel. And consumed them. Et les consuma. God didn't ask any questions. Dieu n'a posé aucune question. He didn't speak. Il n'a pas parlé. He didn't explain. Il n'a rien expliqué. He didn't warn them. Il ne les a pas avertis. Immediately, immédiatement, he just struck them with il fire. Les frappa avec du feu. There are certain things that God will not accept. Il y a certaines choses que Dieu ne permettra pas. From a certain group of people. Venant d'un certain groupe de personnes. People who should know better. Des personnes qui devraient connaître plus. Amen. Mieux. If you are a clear unbeliever, si vous êtes un non-croyant clair, who has never heard the word of God, qui n'a jamais entendu la parole de and Dieu, you make certain mistakes, et tu fais certaines erreurs, I believe God knows how He will judge you. Et je crois que Dieu sait comment est-ce qu'il va te juger. But if you are a believer, mais si tu es un croyant, you have given your life to Christ, tu as donné ta vie à Christ, you have heard the word of God, tu as entendu la parole de Dieu, over and over and over again, encore et encore et encore, He has taught you, il t'a enseigné, He has spoken to you, il t'a parlé, He has shown you, il t'a montré, and you are still offering up a strange sacrifice, et tu offres toujours un feu étranger. One day, un jour, say one day, dis un jour, a fire will consume you, un feu va te consumer. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No warning. Pas d'avertissement. No explanation. Pas d'explication. No discussion. Pas de discussion. Hallelujah. Hallelujah. The fire of God. Le feu de Dieu. Will come down and strike. Viendra et te frappera. Amen. Amen. Maybe you will not die like Ananias and Sapphira. Peut-être tu ne mourras pas comme Ananias et Sapphira. But you wonder why things are not working in your life. Mais tu te poseras la question de savoir pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. You wonder why you pay your tithe and still open the floodgates of heaven. The floodgates are not opening. Tu te poseras la question de savoir pourquoi tu payes la dîme mais les écluses des cieux ne sont pas ouvertes. You wonder why you pay your tithe but you are always sick and the amount you pay your tithe you pay double to the hospital. Tu te poseras la question de savoir pourquoi est-ce que tu payes ta dîme et tu es toujours malade. Et quand tu payes la dîme, tu payes double facture à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. God is mysterious, but he's not so mysterious. Dieu est mystérieux, mais il n'est pas si mystérieux que ça. Amen. Amen. Everything he expects from you is in his word. Everything he expects from you is in his word. Tout ce qu'il attend de toi est dans sa parole. Amen. Amen. So it cannot be a mystery. Alors il ne peut pas être un mystère. Alléluia. Alléluia. Then Moses said to Aaron, verse 3, it is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I will be treated as holy. And before all the people, I will be honored. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Amen. Amen. He says, I will be treated as holy and I will be honored. Il dit, je serai sanctifié et glorifié. My people must respect me. Mon peuple doit me respecter. My people must respect me. Mon peuple doit me respecter. They must treat me as holy. Ils doivent me traiter comme étant saint. Because I am holy. Parce que je suis saint. I'm not pretending to be holy. Je ne fais pas semblant d'être saint. Amen. Amen. They must respect me because I am holy. Ils doivent me respecter parce que je suis saint. They must give me the honor that is due me. Ils doivent me donner l'honneur qui m'est dû. Because of who I am. Parce, à cause de qui je suis. Amen. Amen. I will not accept this nonsense forever. Je ne vais pas accepter ces bêtises à jamais. I will not. Amen. Amen. God says, I am holy, so I expect my people to treat me as holy. Dieu dit, je suis saint, alors j'attends à ce que mon peuple puisse me sanctifier. I expect my children to show me respect. Je m'attends à ce que mes enfants me montrent du respect. Parfois, elles se laissent emporter et elles commencent à parler. Je dis, je ne suis pas ta camarade de classe. Amen. Amen. And I put my foot down. Je dépose mes pieds à terre. You better behave properly before something happens to you. Je dis, tu ferais mieux de bien te comporter avant que quelque chose ne t'arrive. Amen. Amen. Even I, as a human being, même moi en tant qu'être humain, I expect respect from my children. J'attends à ce que mes enfants me respectent. Amen. Amen. I will not tolerate certain things. Je ne vais pas tolérer certaines choses. Amen. Amen. And God is saying that I expect my children to treat me as holy. Et Dieu dit, j'attends à ce que mes enfants me sanctifient parce que je suis saint. If unbelievers misbehave, si les non-croyants se comportent mal, it's easier to understand. C'est facile de comprendre. But my children, mais mes enfants, I will not tolerate it. Je ne le tolérerai pas. We are talking about walking worthy. Nous parlons de comment marcher d'une manière digne. God can teach you. Dieu he peut can t'enseigner, show you. Il peut te he montrer. Can speak to you. Il peut te parler. But at a point, et à un certain niveau, he will strike. Il va frapper. And he will react. Et il va réagir. Amen. Amen. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So let us not get to the point where God is ready to bring down fire. Alors n'arrivons pas à un niveau où Dieu est prêt à faire sortir du feu. Before we sit up. Avant de nous asseoir correctement. Amen. Amen. Walking worthy. Marcher d'une manière digne. Amen. Amen. So we're going to look at some scriptures. Nous allons regarder à certains versets that encourage us to walk worthy. Qui nous encourage à marcher d'une manière digne. Amen. Amen. Ephesians 4. Ephésiens chapitre 1 to 3. I think I looked at that. But let's look at it again quickly. Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians 4, verse 1 to 3. Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Amen. I think it would be faster if you read it from your Bible. Hallelujah. Amen. Amen. Colossians 1, 10 and 11. Colossiens chapitre 1, verset 10 à 11. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Verse 11, strengthened with all power according to his glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously. Colossiens chapitre 1, verset 10 à 11. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. 2 Corinthians chapter 4. We'll look at all these verses carefully, but let's just read them 1 and 2. 2 Corinthians 4, verses 1 and 2. Chapitre 4. Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart. But we have renounced the things hidden because of shame, not walking in craftiness or adulterating the word of God, but by the manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Amen. We're talking about what? Nous parlons de quoi? About what? De quoi? The stars. What are we talking about? Les stars, de quoi parlons-nous? We're going to look at 20 ways in which we must walk worthy. Nous allons regarder 20 ways in which you must walk worthy. 20 moyens par lesquels nous devons marcher d'une manière digne. Hallelujah. Point number one. Point numéro un. Remember it. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de cela. To walk worthy, number one. Pour marcher d'une manière digne, numéro un. Humble. Nous devons être humbles. Ephesians 4:1 says to walk. I implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility. Ephésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Amen. Amen. With all humility. En toute humilité. You cannot walk worthy if you are not humble. Vous ne pouvez pas marcher d'une manière digne si vous n'êtes pas humble. If you are proud. Si vous êtes orgueilleux. You cannot walk worthy. Vous ne pouvez pas marcher d'une manière digne. If you are proud, si vous êtes orgueilleux, you will not take correction. Vous ne prendrez pas les corrections. If somebody rebukes you, si quelqu'un vous reprend, you will be annoyed. Vous serez énervé. If somebody tells you what you are doing is wrong, you will get angry. Si quelqu'un vous dit que ce que vous faites est mal, vous allez vous mettre en colère. Justifying what you are doing. Et vous commencerez à justifier l'acte Instead que vous posez. Comparing what the person is saying to the word of God. Au lieu de comparer ce que la personne dit à la parole de Dieu. Sometimes we are judged, we are criticized, we are rebuked. Parfois nous sommes jugés, nous sommes critiqués, nous sommes repris. And we think that it's unfair. Et nous pensons que c'est mal. Unfair. C'est pas juste. How many have been rebuked before and you thought this is not fair, I didn't do anything? Combien de personnes ont été repris et ils se sont dit c'est pas juste, je n'ai rien fait. Here in this church, in this dans church. Cette église. How many? Combien de personnes? And we will be offended. Et nous serons offensés. Depending also on who did the correction and the rebuking. En fonction de la personne qui nous corrige et qui nous reprend. If it is a pastor, si c'est un pasteur, you will be offended. Vous serez offensé. But you will be smiling. Mais vous allez sourire. You'll be smiling. It's like, oh, it's okay. It's okay. It's okay. Vous allez sourire. And you will keep the offense inside. Et vous allez garder l'offense dans le cœur. And then you'll be adding it one, two. Et vous allez ajouter un, gradually, deux. The offense will pile up. Au fur et à mesure, les offenses vont s'empiler. And reach a point where you cannot contain it anymore. Arriver à un niveau où vous ne pouvez plus contenir. But if it's a shepherd, et si c'est un berger, and you happen to know the shepherd very well. Et il arrive que vous connaissiez bien le berger. Maybe he has even eaten in your house before. Peut-être il a même déjà mangé dans ta maison. Maybe he has even borrowed money from you before. Peut-être il a même déjà emprunté l'argent chez toi. And he dares to correct you. Et il ose te corriger. That is when yourself will rise up. C'est là où ta personnalité va s'élever. I will arise. Je m'élèverai. I will arise. Je m'élèverai. Yeah. And give it to him properly. Et je lui donnerai ça correctement. Yeah. It is pride. C'est de l'orgueil. What you should do if you want to walk worthy. Ce que tu devrais faire si tu veux marcher d'une manière digne. Reacting. Au lieu de réagir. Is in all humility. En toute humilité. Look to the word of God. Regarde à la parole de Dieu. And say what the person is saying. Et dis ce que la personne dit. Is it scriptural? Est-ce que ça sort des écritures? I was listening to a message today that Bishop preached at Legon. J'écoutais un message aujourd'hui que l'évêque a prêché à Legon. The title of the message is what verse is that? What verse? Le titre du message c'est de quel verset s'agit-il? And when he preached, he said, whatever you are doing, anything you are doing. Et quand il prêchait, il disait quel que soit ce que vous fassiez. You should be able to support it with a verse. Vous devriez soutenir cela avec un verset. So then he called the keyboardist. He said, "You come." Il a appelé le pianiste. Il a dit, "You toi, play viens. The keyboards. Il a dit, you tu joues au piano. Guitar. Tu joues à la guitare. What is the verse that you have based your playing of the guitar and of the piano on? Quel est le verset sur lequel tu t'appuies pour jouer au piano et à la guitare? You don't know the reference, but you have a verse. Okay, what does it say? Louer le Seigneur avec tous les instruments. Okay. Okay. At least you've done well. But the one on campus, he didn't have a verse. Celui qui était au campus n'avait pas de verset. Amen. You can sit down. Thank you. Yeah. You. Yeah. Everything that you are doing. Tout ce que vous faites. Ask yourself, what verse is that? Posez-vous la question, de quel verset s'agit-il? With your husband. Alors que tu te querelles avec ask ton mari. Ask yourself, what verse is that? Pose-toi la question, de quel verset s'agit-il? Your husband says, I want to kiss you. You say, ton mari te dit, je veux t'embrasser. Ask yourself, what verse is that? Pose-toi la question, de quel verset s'agit-il? What verse is that? De quel verset s'agit-il? Isaiah. What verse is that? As you are about to quarrel. Alors que tu es sur le point de te quereller. What verse? De quel verset s'agit-il? Amen. Amen. As you are about to take somebody's iPhone. Alors que tu es sur le point de prendre l'iPhone de quelqu'un. What verse is it? Quel est ce verset? As you are about to light that cigarette. Alors que tu es sur le point d'allumer cette cigarette. What verse is that? De quel verset s'agit-il? As you are about to unbutton your shirt. Alors que tu es sur le point de déboutonner ta and chemise. Unzip your trousers. Et de baisser ta fermeture. And remove your underwear. Et enlever ton dessous. Each item of clothing, you must quote a verse. Pour chaque article de ton corps, tu dois pouvoir citer un verset. I can do all things through Christ who strengthens me. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. What verse is that? De quel verset s'agit-il? Instead of rising up in your pride, au lieu de te lever dans ton orgueil, ask yourself what the person is saying. Pose la question, ce que la personne est en train de dire. Is it scriptural? Est-ce que c'est basé sur la parole? Or they're just being difficult. Ou ils sont juste difficiles envers moi. Or they're just being critical. Ou ils sont juste des personnes qui me critiquent. Or they're just annoying. Ils sont juste énervants. Ils veulent juste m'énerver. Ask yourself. Pose-toi la question. Yeah. If your pastor comes to you and said, look, what you are doing is bad. The people who are watching you will see you and not come to church. Si ton pasteur vient vers toi et te dit, écoute, ce que tu fais est mal, parce que les gens qui te regardent ne viendront pas à l'église. La manière à laquelle tu parles n'est pas correcte. You are too rude. Tu es trop impoli. Then you get up and you say, when I was leaving my country to come here, did they know me? Alors quand tu te lèves pour dire, quand je quittais mon pays pour venir ici, est-ce qu'ils me connaissaient? What should what I am doing affect them? Pourquoi est-ce que les actes que je pose devraient les affecter? It's their problem. C'est leur problème. Some young ladies, when you tell them, oh, your dress is too short. Certaines jeunes filles, quand tu leur dis, oh, ta robe est trop courte. Said, if they have a problem, that's they're the ones with the problem. I am fine. Et elle dit, s'ils ont un problème, c'est leur problème. Moi, ça va. So if you wear those tight dresses and those short skirts, the boys will struggle. Tu dis, oh, si tu portes ces jupes courtes et serrées, les garçons, ça sera difficile pour and les you garçons. You tell me that, well, lady pastor, if they have a problem, there's nothing I can do about it. Et tu me dis, oh, lady pastor, s'ils ont un problème, il n'y a rien que je puisse faire. What verse is that? De quel verset s'agit-il? The Bible says that woe to him by whom the offenses come. La Bible dit malheur à celui par qui les offenses viendront. Yeah. Alléluia. So don't rise up in pride too quickly. Alors ne te lève pas très vite dans l'orgueil. If your shepherd comes to you and says, look, this girl that you are walking with, she's going to spoil your ministry. Si ton berger vient vers toi et te dit, écoute, la fille avec laquelle tu marches va détruire ton ministère. This your so-called best friend. Ton soi-disant meilleur ami. She's spoiling you. Elle est en train de te détruire. Don't let pride just rise up and start manifesting itself in your eyes. Ne laisse pas que l'orgueil s'élève en toi et commence à se manifester dans tes yeux. Eyeing people. En train de toiser les gens. Ask yourself, what he's saying, is it scriptural? Pose-toi la question, est-ce que ce qu'il dit est basé sur les Écritures? What verse is that? De quel verset s'agit-il? Amen. Amen. What verse is it? I'm asking a question. What verse? De quel verset s'agit-il? You say what? And then I'm supposed to clap for you. Yeah. Ask yourself, what verse is that? Pose-toi la question, de quel verset s'agit-il? The rebuke, is it scriptural? Est-ce que la réprimande est basée sur les Écritures? Or is it just something he dreamt and then came to tell me? Ou c'est juste quelque chose dont il a rêvé, il est venu me dire. If you want to walk worthy, si vous voulez marcher d'une manière digne and please God, et être agréable à Dieu, so that you are not struck with a consuming fire, afin de ne pas être frappé par un feu qui consume, be humble, sois humble and listen, et écoute and receive, et reçois. Hallelujah. Hallelujah. If the instruction is not scriptural and doesn't make sense, just leave it. Si l'instruction n'est pas basée sur les Écritures et elle est insensée, laisse-la. Amen. Just Amen. Leave it. Just leave it. Maybe to be relevant tomorrow, but peut-être today ça sera relevant. D'actualité demain, mais aujourd'hui c'est pas utile. Amen. But Amen. Don't get carried away and lift yourself up in pride. Alors ne te laisse pas emporter en t'élevant avec l'orgueil. When God rebuked Satan and sacked him, he says he himself came. He got annoyed. Quand Dieu a repris Satan et qu'il l'a chassé, il s'est élevé, il est sorti de lui-même. He got annoyed. Il s'est énervé. I'll take your place, you God, you. Il a dit, je prendrai ta place, toi Dieu. Yeah. Because he did the wrong thing. Parce qu'il was sacked. Il a fait une mauvaise chose, il a été chassé. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Instead of sitting down and saying, but what God is saying, is it correct? Au lieu de t'asseoir pour dire ce que Dieu dit, have I really done something wrong? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose is de mal? What I am doing, is it wrong? Est-ce que ce que je fais est mal? What I'm doing, is it in line with the Bible? What ce verse je fais, is it? Est-ce que c'est en ligne avec les if Écritures? If it is not, si what should I do? Que devrais-je faire? Should I get angry with the person coming to correct me? Devrais-je m'énerver contre la personne qui vient me corriger? Should I? Devrais-je? If you do, you are proud. Si vous le faites, vous êtes orgueilleux. And you are not walking in a manner that's worthy. Et vous ne marchez pas d'une manière digne. Amen. Amen. If your shepherd says wear a tie and you decide that me I don't like tie. Si ton berger dit porte la cravate et tu décides que moi je n'aime pas la cravate. Ask yourself that attitude, I don't like tie so I will not wear it. What verse is it? Pose-toi la question, cet acte de je n'aime pas porter la cravate, je ne vais pas la mettre, de quel verset s'agit-il? Amen. Amen. The shepherd says we are coming to pray at 6 o'clock. You say, no, me, I can't. 6 o'clock on Saturday, in fact, that's the time that that I have to, I can use to. Actually, that's when my meditation comes. That's when God reveals himself to me. Si ton berger dit de venir prier le samedi à 6h, tu dis, ça you c'est l'heure à laquelle Dieu te révèle à moi. You must not be there. Tu trouves toutes les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas être là. Hallelujah. Hallelujah. And you think you are being spiritual. Et tu penses que tu es spirituel. Be careful you're not offering up a strange fire. Fais attention à ne pas offrir un feu étranger. Amen. Amen. I said, be humble. Sois humble. If you want to walk worthy. Si tu veux marcher d'une manière digne. Amen. Amen. Sometimes somebody will speak to you in a way you don't like. Parfois, quelqu'un va te parler d'une manière que tu n'apprécies pas. It's a mistake. C'est une erreur. Or it's not. Ou ce n'est pas. That shouldn't affect you. Cela ne devrait pas t'affecter. Amen. In Amen. A way, in such a way that you will no longer walk worthy. À tel point que tu ne pourras plus marcher. I don't know if you're understanding what I'm saying. Je ne sais pas si vous comprenez. Hallelujah. Hallelujah. Each person is walking worthy. Chaque personne marche d'une manière digne. Each person is offering a sacrifice. Chaque personne offre un sacrifice. And each person will be judged as an individual. Et chaque personne sera jugée en tant qu'individu. Amen. Amen. So make sure that you walk worthy. Alors rassure-toi à marcher d'une manière digne. Make sure that I walk worthy. Je devrais me rassurer de marcher d'une manière digne. If I am not walking worthy, it should not affect your walking worthy. Si je ne marche pas d'une manière digne, cela ne devrait pas affecter ta marche. Amen. Amen. Say that, but the shepherds, they like talking to people anyhow, and they are talking. Oh, tu dis, oh, les bergers, ils aiment parler aux gens de n'importe comment. They like that thing too much. Every day correction, every day rebuke, every day. Ils aiment corriger tout le temps, tous les jours correction, tous les jours réprimande, tous les jours. If your shepherd is not walking worthy, it should not change your walking worthy. Si ton berger ne marche pas d'une manière digne, ça ne devrait pas changer ta marche. He will face God by himself. Parce qu'il fera face à Dieu lui-même. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Say, oh, Lady Pastor, they are supposed to set the example. Tu dis, oh, Lady Pastor, ils sont censés être les exemples. It's true. C'est vrai. But you are looking unto Jesus. Mais tu regardes à Jésus. Amen. Amen. He was the best example. Il était le meilleur exemple. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus has not changed. Et Jésus n'a pas changé. Amen. Amen. So if your shepherd is making a mistake, the chief shepherd has not made a mistake. Alors si ton berger commet une erreur, le chef des bergers n'a pas commis d'erreur. So your walk should not be affected. Ta marche ne devrait pas être affectée. Some of us, we use all sorts of excuses to misbehave. Plusieurs d'entre nous utilisent toutes sortes d'excuses pour nous comporter d'une mauvaise manière. See, even the shepherds are doing it. And so what? Tu te dis, oh, même les bergers le font, et alors? And so what? Et alors? You are hiding behind all manner of things just to do what you want. Tu te caches derrière toutes sortes de choses juste pour faire ce que tu veux faire. Today I'm challenging you. Aujourd'hui, je te lance un défi. That if you want to walk worthy, be humble. Si tu veux marcher d'une manière digne, the word of God. Sois humble et accepte la parole de Dieu. Amen. Amen. And do what Jesus would have done. Et fais ce que Jésus aurait fait. Not what your shepherd would have done. Pas ce que ferait ton berger. You will not go and stand before God and say, oh, well, I saw Shepherd Rodrigue doing it, so I also did it. Tu ne te tiendras pas devant Dieu en disant, j'ai vu le berger Rodrigue le faire, alors je suis aussi allé le faire. I did it because Shepherd Marina spoke to me anyhow, so I that's why I also did what I did. Tu vas dire, je l'ai fait parce que la Vierge Marina m'a parlé n'importe comment. C'est la raison pour laquelle j'ai posé ce tact. You are offering up a strange fire. Tu offres un feu étranger. And God will send down a consuming fire. Et Dieu enverra un feu qui consume. Amen. Amen. Hallelujah. Be Hallelujah. Humble. Sois humble. Start. Be humble. Soyez humble. They say you are stars. Vous dites que vous êtes des stars. They say you are stars. Vous dites que vous êtes des stars. A human being says you are a star. Un être humain dit que vous êtes des stars. And you are happy. Et vous êtes content. Be sure that you are a real star in the eyes of God. Rassurez-vous d'être des vraies stars aux yeux de Dieu. Amen. Amen. And don't offer up strange fires. Et n'offrez pas des feux étrangers. We are here, we say, ooh, wow, beautiful, powerful. Nous sommes ici et nous dirons, ooh, wow, joli. Consuming fire. Et Dieu est prêt à envoyer un feu qui consume. Amen. Amen. Walk worthy. Marchez d'une manière digne. And be humble. Et soyez humble. You are not better than anybody else. Vous n'êtes meilleur que personne. It's just the grace of God. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Shepherd, les bergers. You are not better. You yourself, you know yourself. Vous-même vous you savez. You know yourself. Vous-même vous savez. You are not better than any of the people sitting behind you. Que vous n'êtes pas meilleur que ceux qui sont assis derrière vous. It's just the grace of God. Ce n'est que la grâce de Dieu. So be humble. Alors soyez humble. We are talking to others. Remember how you were also brought up. Quand vous parlez aux autres, souvenez-vous de la manière à laquelle vous avez été élevé. Hallelujah. Hallelujah. Be humble. Soyez humble. And walk worthy. Et marchez d'une manière digne. When you go to school, quand vous allez à l'école, be humble. Soyez humble. Don't be quarreling with all the people in the class. Ne vous querellez pas avec toutes les personnes dans la classe. And then tomorrow you say, hey, we are doing francophone for Jesus. Will you come? Et demain vous allez dire, on fait francophone for Jesus. Est-ce que tu viendras? Do you think he will come? Est-ce que vous pensez qu'il viendra? Amen. Amen. You must remember that it's God. Hallelujah. Vous devez vous souvenir qu'il est question de Dieu. God. Qu'il est question de Dieu. Amen. Amen. If you are ever tempted to be proud, si tu es tenté à être orgueilleux, remember this verse. Souviens-toi de ce verset. 1 Kings 8, verse 27. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. And it's Solomon, the richest and the wisest man in the world. Et ça parle de Salomon, l'homme le plus riche et l'homme le plus sage dans le monde. Who did great things? He built a beautiful temple for God. Qui a fait de grandes choses? Il a bâti un grand temple pour Dieu. And he says, "But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house which I have built?" 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Amen. Amen. He built a beautiful temple. Il a bâti un joli temple. But he recognized that it is just a building. Il a reconnu que ce n'est qu'un bâtiment. And that God is greater than the building. Et que Dieu est plus grand que le bâtiment. God is greater than your talent. Dieu est plus grand que vos talents. All of you sitting here, you're all talented. Vous tous assis ici, vous êtes tous talentés. What you can do, I cannot do. Ce que vous pouvez faire, je ne peux pas. If you put me behind the keyboard, si vous me mettez derrière le piano, I can play Mary had a little lamb, little lamb. Do you know that song? Je peux jouer la la la la la la la. That's the one I can play. You cannot even do that one. Vous ne pouvez même pas faire cela. Yeah. So when you are singing, what are your songs? Alors quand vous chantez, then I'll be playing. Je serai en train de jouer. And you'll be dancing to. Vous allez danser à cette mélodie. Là. Vous allez danser à Zonto avec cette mélodie. I cannot do it. Je ne peux pas le faire. I cannot sing. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas faire un solo. I have taught you a song before. Je vous ai enseigné un chant. So it's not that I cannot sing. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas chanter. Amen. Amen. But the stars and the moon have to be lined in a certain way. Mais les étoiles et la lune doivent être alignées d'une certaine manière. Hallelujah. So you are all talented. Vous êtes tous talentueux. And it can easily become a source of pride. Et ça peut facilement devenir une source d'orgueil. Amen. Amen. So that if they shout at you, Jean-Philippe. Afin que si on crie sur toi, Jean-Philippe. You say that, okay, I'm not coming. We'll see who plays the drums. Tu dis alors, je ne viendrai pas. On verra qui va jouer à la batterie. I'm not coming. We'll see who will sing. Je ne viendrai pas. On verra qui va chanter. Can easily become a source of pride. Ça peut facilement devenir une source d'orgueil. You say that's okay. We'll see who will play the keyboard today. You keep shouting at me. One day you will need me. Tu te mets à siffloter en disant, on verra qui va jouer au piano aujourd'hui. Un jour vous aurez besoin de moi. You have become proud. Vous êtes devenu orgueilleux. After all, you don't even pay me. Eh? And every day, come for meetings, come for rehearsals, come for this. Do you know how I came? Après tout, vous ne me payez même pas tous les jours. Viens pour les répétitions. Est-ce que vous savez comment je suis venu? I don't know how you came. Je ne sais pas comment tu es venu. I don't know if you walked to come. Je ne sais pas si tu as marché pour venir ici. I don't know. Je ne sais pas. It's true. C'est vrai. But whatever the case, mais quel que soit le cas, is greater than anything, any contribution that you can make. Souvenez-vous que Dieu est plus grand que toute contribution que vous pouvez apporter. Amen. Amen. And nobody should have to beg you to do anything for God. Et personne ne doit vous supplier pour faire quelque chose pour Dieu. Nobody should have to beg you to do anything for God. Personne ne doit vous supplier afin because de faire quelque chose pour Dieu. Because we know that it's by His grace that we are where we are. Parce que nous savons que c'est par sa grâce que nous sommes ici. Amen. Amen. If there's no instrumentalist, we will continue. S'il n'y avait pas d'instrumentiste, nous continuerons. Nous l'avons déjà fait. Amen. Amen. If the shepherds decided we are going on strike. Si les bergers décident, nous allons en grève. We are going on strike. Nous allons en grève. Yeah. And the choir too said, hey, we too are going on strike. Et la chorale dit, hey, nous aussi on va en grève. Alors on va voir. Every day they are shouting at us. Tous les jours on crie every sur day nous. They are using us as examples for tous les bad jours, nous people. Utilisent pour les exemples de mauvaises personnes. I won't sing again. Je ne vais plus chanter. Chowoy. Chowoy. And then you say you will sing. Know that God is greater than all your talents. Souvenez-vous que Dieu est plus grand que tous vos talents. And if you lift yourself up in pride, et si vous vous élevez dans l'orgueil, you will never be pleasing to him. Vous ne serez jamais agréable à lui. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. All right. We've only used one way. Nous avons seulement utilisé un point. I'll give you a second one and then we'll move on. Je vais vous donner we'll un deuxième. The second one, Ephesians 4, still verse 4 from verse 1. Ephesians. Ephésiens chapitre 4. Amen. Amen. Where is it? Ephesians 4 and verse 1 and 2. It says, therefore, I, prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Verse 2. With all humility and gentleness. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Amen. Amen. Gentleness. Douceur. Go slowly. Allez-y doucement. Take your time. Prenez votre temps. Learn to react slowly. Apprends à réagir doucement. Some of you are too hot. Certains d'entre vous sont très chauds. Too hot. Trop chaud. You react before you think. Vous réagissez avant de penser. You react before you stop. Vous réagissez avant de vous arrêter. Amen. Amen. If you are in a hurry, si tu es pressé, always rushing to do things, get things, be somebody. Toujours pressé de faire quelque chose, faire ceci, frapper quelqu'un. You are likely to have an accident. Any car that is speeding on the road is more likely to have an accident than the car that's going slowly and gently. Toute voiture qui roule vite est susceptible d'avoir un accident par rapport à une autre qui roule doucement. Amen. Amen. We're talking about gentleness. Nous parlons de la douceur. Amen. Amen. As a Christian, your life you must be gentle. En tant que chrétien, ta vie doit être douce. The way you talk to people, ta manière de parler aux gens. The way you behave, ta manière de te comporter. The way you react, ta manière de réagir. Amen. Amen. You must learn to be gentle. Tu dois apprendre à être doux. Maybe your temperament is not gentle. Peut-être ton tempérament n'est pas doux. But if you allow the Spirit of God, mais si tu laisses le Saint-Esprit to work on you, travailler en toi, you will become more and more gentle. Tu deviendras de plus en plus doux. You'll find that your reaction time is becoming longer. Tu te rendras compte que ton temps de réaction devient plus lent. At first, when somebody says something, before you even open your eyes, your hand has reached the person's face. Avant, quand quelqu'un disait quelque chose, avant même d'ouvrir les yeux, ta main est déjà sur le visage de la personne. Pah! And then you'll be wondering, but when did I lift my hand up? Après, tu te poses la question, à quel moment est-ce que j'ai levé ma main? Because you have to lift it up, take it back. And then bring it forward. Parce que tu dois la soulever, l'emmener derrière et la faire avancer. So at which point did it come from my body? Alors à quel moment est-ce qu'elle s'est déplacée de mon corps? Go back for momentum. Elle est allée en arrière. And then come forward for impact. Et elle est venue devant pour un impact. But with the help of the Holy Ghost. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. When you lift it up like this, quand vous élevez la main, there'll be a check in your spirit, and then il y aura un contrôle dans votre esprit et vous allez gratter la tête. Your head will change direction. Your hand will change direction. Et votre main va changer de direction. Amen. Amen. Gentleness. La douceur. Gentleness. La douceur. Some of you, when you open your mouth, certains d'entre vous quand vous ouvrez vos bouches. It's more than consuming fire. C'est pire que le feu qui consume. The words that come out of your mouth. Les paroles qui sortent de votre bouche. It's more than a double-edged sword. Elles sont plus qu'une épée à double tranchant. Hey! Hey! But with the help of the Holy Spirit. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. You can slow down. Vous pouvez vous calmer. Go gently. Et y aller doucement. Tread carefully. y aller Amen. Avec attention. If you want to walk worthy, si tu veux marcher d'une manière have digne, to learn to be gentle. Tu dois apprendre à être doux. Gentle. Être doux. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gentle. Especially if you are a woman. En particulier si tu es une femme. If you are a woman, si tu es une femme, a Christian woman, une femme chrétienne, you have to be gentle. Tu dois être douce. When I talk of gentle, I'm not talking of laziness. Si je parle de douceur, je ne parle pas de paresse. I'm not talking of laziness. Je ne parle pas de paresse. You can't do anything for yourself. Tu ne peux rien faire pour toi-même. Your husband comes home, there's no food because the gas is finished. Quand ton mari vient à la maison, and I couldn't remove the gas from the thing, so I was waiting for you. Quand ton mari vient à la maison, tu lui dis le gaz est fini. That's not the kind of gentleness I'm talking about. Ce n'est pas de ce genre de douceur que je parle. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking about the kind of gentleness that will make your husband want to come home quickly. Je parle du genre de douceur qui fera en sorte que ton mari ait envie de vite revenir à la maison. Because he has been experiencing a lot of problems. Parce qu'il a fait face à beaucoup de problèmes. In the world, I mean, dans left le monde, right, issues. À gauche, à droite, des problèmes. Fighting. In the workplace, au travail, the traffic, les embouteillages. When he comes home, quand il vient à la maison, he wants gentleness. Il a besoin de douceur. He doesn't want Bruce Lee waiting at the door. Il ne veut pas Bruce Lee qui l'attend à la ready porte. To strike. Prêt à frapper. Non. Non. Gentleness. La douceur. Amen, sisters. Amen, les sœurs. Hallelujah. Hallelujah. Allow the Spirit of God to work on you. Permets à l'Esprit de Dieu de travailler en toi. Learn to be humble. Apprends à être humble. Learn to be gentle. Apprends à être doux. Gentle. Doux. Don't be quarrelsome. Ne sois pas querelleuse. Ready to fight. Prêt à se battre. I cleaned the floor. Look at how you've made it dirty. J'ai essuyé le sol. Regarde comment tu l'as sali. Your husband finishes bath, you go to the bathroom to inspect. Quand ton mari finit de prendre sa douche, tu vas dans la salle de bain pour vérifier. There is soap on the carreau. Il y a du savon sur les carreaux. When you came to bath, did you see any soap on the carreau? Quand tu es venu prendre ta douche, est-ce que tu as vu du savon sur les carreaux? Je dis quand tu es venu prendre ta douche. Did you see soap on the carreau? Est-ce que tu as vu du savon sur les carreaux? CSI. C'est CSI. Hey! When your husband is bathing, he's even afraid. Quand ton mari prend sa douche, il a même peur. When he takes the water, he's like this. Quand il prend de l'eau, il verse doucement. Hey! Hey! Why? Why? Pourquoi? Turn to the nearest sister and say, sister, be gentle. Tourne vers la sœur la plus proche et dis, sœur, sois douce. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers, et frères, you must learn to be gentle. Vous devez apprendre à être doux. Amen. Amen. Yes, it's true. We know you are the head. We are the man. We know. C'est vrai, tu es la tête, tu es l'homme, nous le savons. But learn to be gentle. Mais apprends à être doux. Don't be pushing us around every day. Ne nous pousse pas partout tous les jours. Some of you men, you are too hard. Certains d'entre vous, les hommes, vous êtes trop durs. You are too hard. Vous êtes trop durs. We are walking worthy. We are learning. Hey. We are learning how to please God. Nous apprenons à être agréable à Dieu. And walking in a manner that's worthy. Et à marcher d'une manière digne. Amen. Amen. So men, alors les hommes, don't be pushing us around too much. Ne nous poussez pas trop. You must learn to be gentle with us. Vous devez apprendre à être doux avec nous. The Bible says we are the weaker vessel. La Bible dit que nous sommes le sexe faible. Okay. Okay. So we are weaker. Alors nous sommes plus faibles. The Bible also says that You must learn to dwell with us according to knowledge. La Bible dit aussi que vous devez apprendre à rester avec nous en fonction de la connaissance. That means you have to be intelligent to live with a woman. Ça veut dire que tu dois être intelligent pour vivre avec une femme. You have to acquire a certain knowledge to be able to live with a woman. Tu dois acquérir une certaine connaissance pour pouvoir vivre avec une femme. Amen. Amen. If you lack a certain intelligence, you always have problems with your wife. Si tu manques d'intelligence, tu auras toujours des problèmes avec ta femme. Amen. Amen. Intelligence. L'intelligence. You know when God created you, He took you from the mud. Vous savez quand Dieu vous a créé, il vous a pris de la boue. Raw material. Yeah. If you are holding a Nokia 3310. Si vous tenez un Nokia 3310. And you are holding an iPhone 4S. Et vous tenez un iPhone 4S. You will treat them differently. Vous les traiterez de manière différente. You will treat them differently. Vous les traiterez de manière différente. You need more knowledge. Vous avez besoin de plus de connaissances. An iPhone 4S. Pour gérer un iPhone 4S. Than a Nokia 3310. Qu'un Nokia 3310. Nokia 3310, does it have a camera? Le Nokia 3310, est-ce qu'il a l'appareil photo? What does it have? A torch. La torche. It has a clock. There's no alarm. Il n'y a pas d'alarme. Hallelujah. Hallelujah. But when you have, hey, you people are very. All of a sudden you are talking. When I was asking you questions at the beginning, you didn't have anything to say. Maintenant vous parlez. Quand je vous posais les questions au début, vous n'aviez rien à dire. Next week when I come to you, forget everything that I have said. La semaine prochaine quand je viendrai, vous allez tout oublier tout ce que j'ai dit. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. What was I saying? De quoi est-ce que je parlais? I said men should be gentle. They need knowledge. Pour être avec les femmes, vous avez besoin de connaissances, les hommes. Hallelujah. Hallelujah. So the man is comparable to the 3310. L'homme est comparable au 3310. And the woman is comparable to the iPhone 4S. Et la femme est comparable au iPhone 4S. There are many, many features. Il y a plusieurs formes. Features. There are many things that the iPhone 4S can do. Il y a plusieurs choses que le iPhone 4S peut faire. But if you don't know, mais si tu ne connais pas, you don't have the knowledge, si tu n'as pas la connaissance, you cannot use it to its maximum best. Tu ne peux pas l'utiliser au maximum. Amen. Amen. All you will do is use it to call. Tout ce que tu feras, ce sera utiliser ça pour appeler, pour envoyer des textos. Receive. Et recevoir. You don't know that if you press a certain button. Tu ne sais pas que si tu appuies un certain bouton, you can tell the phone to make the call for you. Tu peux dire au portable de passer l'appel pour toi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Knowledge. La connaissance. Is what you need. C'est ce dont vous avez besoin. Amen. But Amen. I'm talking about gentleness. Nous parlions de la douceur. Gentleness. De la douceur. Amen. Amen. I think time is fast spent. Hallelujah. Hallelujah. You want more? Share. Vous voulez Look plus? At you. I will talk and then you still won't remember. Je vais parler en May the Lord forgive you. Que Dieu vous pardonne. Amen. Amen. Learn to be humble. Apprenez à être humble. Amen. Amen. And allow the Spirit of God to make you gentle. Et permettez à l'Esprit de Dieu de vous rendre doux. So that you can walk worthy. Avant de marcher d'une manière, afin de marcher d'une manière digne, afin d'être agréable à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Stand to your feet. We'll Levez, continue next s'il vous plaît. Nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. I want you to close your eyes and talk to God tonight. Je veux que tu élèves ta voix et tu parles à Dieu ce soir. Speak to the Lord about your walk with him. Parle au Seigneur de ta marche avec lui. Tell him that you don't want to offer up a strange fire. Dis-lui que tu ne veux pas offrir un feu étranger. You want to offer up a sacrifice that is agreeable to him. Tu veux lui offrir un sacrifice qui lui est agréable. Just open your mouth and pray tonight. Ouvre ta bouche et prie ce soir. Ask God to forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. Ask him to wash you and to Demande cleanse lui de you. Te laver, de te purifier. Ask him to deliver you from weakness. Demande-lui de te délivrer de tes faiblesses. Speak to the Lord tonight. Parle au Seigneur ce soir. Speak to the Lord tonight. Parle au Seigneur ce soir. In your own words. Avec tes propres mots. Just talk to him. Parle-lui. Oh Lord, forgive us. Seigneur, pardonne-nous. We have offered up a strange fire. Nous avons offert un feu étranger. By giving you what is not pleasing to you. En te donnant ce qui n'est pas agréable à toi. By walking in disobedience, En marchant dans la désobéissance, Seigneur. By putting your word aside. En mettant ta parole de côté. Putting aside your commandments, En mettant de côté tes commandements. And doing what we want. Et en faisant ce que nous voulons. And giving you what we want. Et en te donnant ce que nous voulons. Forgive us, Lord. Pardonne-nous, Seigneur. Father, we pray. Père, nous prions that tonight, afin que ce soir, even as we come before your throne of alors mercy, que nous venons devant ton trône de grâce, we can obtain mercy tonight, nous pouvons obtenir miséricorde and find grace to help et obtenir de la grâce in our time of need. Pour nous aider en temps de besoin. Thank you, Father, for Merci, your word. Père, pour ta parole. Thank you that you don't condemn us. Merci parce que tu ne nous condamnes pas. But you give us, oh God, another chance. Et que tu nous donnes une nouvelle chance. To put things right with you. Afin de mettre les choses en ordre avec toi. We bless you. Nous te bénissons. And we thank you, Lord. Nous te disons merci. For your grace. Pour ta grâce. For your love. Pour ton amour. Thank you, oh God. Merci, oh Père. For not consuming us. De ne pas nous consumer. With your consuming fire. Avec ton feu qui consume. We thank you, Father. Nous te We thank you, Father. Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord for His mercy, for His grace. Thank you, O God, for not consuming us. Thank you, O God, for not eliminating us. Merci, ô Père, de ne pas nous éliminer. Thank you, God, for not removing us. Merci, Père, de ne pas nous enlever. As long as we have breath, O God. Aussi longtemps que nous avons du souffle. You Seigneur, have given us another chance. Tu nous donnes une seconde chance. Another opportunity to walk worthy. Une autre opportunité de marcher And d'une manière. And we thank you, O God. We Et thank nous te you, remercions, O God. Ô Père. We thank you, thank you, thank nous te you, remercions, Lord. Nous te remercions. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, if you are here, ce soir, si tu es là, and you don't know Jesus as your Lord and et Savior, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton you have never taken a decision tu n'as jamais pris la décision to give him control of your life. De lui donner le contrôle de ta vie. Tonight, I want to give you that opportunity. Ce soir, je veux te donner cette opportunité. You want to say, Heavenly Father, tu veux dire, Père Céleste, please forgive me, s'il te plaît, pardonne-moi for my sins. De mes péchés. I recognize, I realize now, je réalise maintenant that I am a sinner, que je suis pécheur, and that I have not walked with you, et que je n'ai pas marché avec toi, that I'm not walking in a manner worthy of you, et que je ne marche pas d'une manière digne de toi. I'm not giving you your honor, je ne te donne pas ton honneur, and I'm not treating you as holy, et je ne te traite pas comme étant saint. Tonight, ce soir, I want you to forgive me, je veux que tu me pardonnes, and I want to cleanse me, je veux que tu me purifies. Father God, Père Dieu, tonight, ce soir, I want to take a decision. Je veux prendre la décision to give you control of my life. De te donner le contrôle de ma If vie. If you are here like that, si tu es ici comme ça, you have never taken this decision. Tu n'as jamais pris cette décision. But tonight, you want to give him your life. Et ce soir, tu veux lui donner ta vie. You want to say, "Come into my heart." Tu veux dire, viens dans mon cœur. Make me a new creation. Fais de moi une nouvelle création. I want to begin a new life with you. Je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. I want to go to heaven when I die. Je veux aller au ciel quand je mourrai. Just lift up your hand. I want Lève to pray ta with main, you. Tout simplement, lift je up your right hand. Toi. I want to pray Lève with ta you. Main droite. Je vais prier avec toi. You want to give Jesus control of your life. Tu veux donner à Jésus le contrôle de ta vie. You want him to come into your heart. Tu veux qu'il vienne dans ton cœur. You want to say, Father, forgive me for my sins. Tu veux dire, Père, pardonne-moi de mes péchés. Don't be ashamed. N'aie pas honte. Just lift up your hand. Élève tout simplement ta main. I want to pray with you. Je vais prier avec toi. Are there any hands lifted up tonight? Il y a des mains levées ce soir. Okay, if your hand is lifted up, si ta main est levée, I want you to come to me. J'aimerais que tu viennes vers moi. Please come forward. I want to pray for you. Devant, je vais prier pour toi. Don't be ashamed. N'aie pas honte. come forward as a sign of submission. C'est un signe de soumission. Just come before the Lord. Viens devant le Seigneur. And let us pray. Et prions. We want to pray. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray together? Yeah. I want us all to pray this prayer. Nous allons répéter cette prière ensemble. Amen. Amen. Please repeat after me. We'll say it in French. Je parle français ou anglais? Anglais. Français. Ok. Nous allons prier en français. Dites après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de m'avoir parlé ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Ce soir, je prends une décision de renoncer à tout qui m'empêche de te servir. Ce soir, je te demande pardon. Et je te demande, Seigneur, de me laver et de me purifier de tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir sauvé. Satan, écoute-moi et écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Mes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton pardon et merci pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Félicitations. Vous voyez la sœur ici, elle aimerait vous parler, la dame.